jardin mouillé, dans un pays vendu, un pays habillé de peur et de silence. La meule du soleil broie la désespérance, de l'aube inespérée jusqu'au soir attendu. C'est un jardin qui pleure aux portes du désert, la terre s'y lézarde autant que ce qu'elle porte, et les mains qui se tendent semblent des feuilles mortes, où des vents moribonds tremblent un dernier concert. C'est un jardin qui lit dans le regard des pierres les rouges galaxies que savent les fusils, pour garder le repos des collines assoupies, où s'étalent et pavoisent l'arrogance des lierres. L'épaule de la nuit s'inonde du parfum de ces fleurs arrachées à l'errance des graines. Ces rires babillés font des bruits de fontaine où se reposent un peu les porteurs de chagrin. Se déchire et tous ceux qui se meurent, tout ce que le ciel bat compte d'ailes brisées, cueille dans ce jardin des pierres de rosée, à briser les miroirs des maîtres oiseleurs. Mais l'enfant fatigué dont les pas s'en vont vers l'usine de tapis ou la carrière de pierre, sans malgré toute l'eau qui court sous ses paupières, le jardin se fanait au fond de ses yeux verts. Un jardin mouillé dans un pays vendu, un pays habillé de peur et de silence.